Je ne te comprends plus, j'en perds haleine. Non, pas Woody, mais seulement Allen. Tu me dis, j'ai la gaule. Tu me dis, j'ai la gaule. Mais tu ne t'appelles pas Charles ou Charles de Gaulle. Personnalité, ta personnalité. Aujourd'hui je suis en cours avec Madame le Rouge. Pourtant ce n'est pas la femme de Barbe Rouge. Solo. J'en connais bien un qui s'appelle Triomphe. Pourtant ce n'est pas l'arc de Triomphe. Et j'en connais un autre qui s'appelle Phil à couper le beurre. Pourtant il n'a pas inventé le fil à couper le beurre. Personnalité. Oh, personnalité. Je ne te comprends plus, j'en perds haleine. Non pas Woody, mais seulement haleine. Je ne te comprends plus, père Allen, non pas Woody, mais seulement...